بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين، أما بعد، جلنا بني سنت يالا جولي تي نانتي بي صلى الله عليه وسلم كون ني ييغلا تي ريزومي و جوا جوا الحقائق شرح ياقوت الحقائق ولا لا مانام ياقوت الحقائق دا مانام معنى ييغا خامتي موم نانتي غيسون تي جوتاي manam bokku na ci kon manam haqqatul muhammad yi lay kon gis nañ ne mom moy origine minde fi legui lool gisone nañ hadarati legui lool yakarna leeron na legui ñu ñew ci haqqatul muhammad yi mom ci bokkum parce que dafa am ay volet yo xamantene mom la traiter ci biir yaqutatul haqaiqi yaqutatul haqaiqi c'est moy perle précieuse de réalité voilà ou la yacinthe de réalité voilà lool mom moy ko moy traduction voilà légui donc haqqatul muhammadiyya donc c'est la réalité muhammadienne moy deug deug yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam ki ñuy wax sayyiduna muhammad sallalahu alayhi wasallam deug deug moy kaas buñu waxé yenenbi sallalahu alayhi wasallam mu dem ci jotay bi wess gisoon nañ ni mom moy sirrul manam mom moy haqiqatul kawni te mom moy ruhul wujudi c'est-à-dire haqiqatul kawni manam mom moy deug deug nek def nek nek gi manam la réalité du cosmos manam nek nek gi deug deug deug deug moy kan moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom tamit mom moy ruhul wujud manam moy ruhu nek nek gi manam l'existence donc mom moy l'esprit de l'existence lolou nak limi tekki ci ben volet moy volet wu le fait que minde fi mom moy minde fi yep mom moy secret bi daw sen bir nimi dawe sen bir moy ni nga xamantene nonu la ndox di dawe ci garab ni ndox di dawe ci garab nonu lay dawe seen bir comme tay fim toll buñu gisee lenn lu ci nek dafa am ay caractéristiques yu tax muy nek mu exister caractéristiques yoy la ko taxawal en réalité moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy leeram motax ci kaw lool mbolé minde fi nak yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy seen caractéristiques légui bo gisee minde fi wouté ni ñu nekké parce que hadara yi nga xamantene mom moy manam borom subhanahu wa ta'ala manam kon hadrat manam bi nga xamantene moy hadrat zat manam moy hadra la présence wala la sphère de de l'essence manam moy nek nekam borom subhanahu wa ta'ala fofu feñu fa kenn amu fa askan et cetera après mom hadratul ahadiyya fi nga xamantene mom moy hadra moy la présence moy hadra wala sphère fi nga xamantene mom moy wet le fait que mu nek kenn moy de l'unité hein fofu non tamit feñu fa kenn mais amna fa askan manam meunuf nu fa wax ne yalla kenn la comprendre nga fofu meunuf na wax ne yalla kenn la te munu ñu wax ne borom manam mais munu ñu ko wutal tour munu ñu ko wutal melo munu ñu ko wutal ñaata munu ñu ko naka munu ñu ko wutal ay fan et cetera manam yépp munu ñu ko wutal fofu tamit borom subhanahu wa ta'ala du fa feñu lulul bopam lulul bopam mu am benen hadara bu ñu wax hadaratul wahdatul mutlaqa lolou gisoon nañu tamit moy hadara bi nga xamantene fofu benuk l'unité wala l'unicité absolue fofu nak moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam kessel la fa feño bu yenenbi sallalahu alayhi wasallam rek moy meuna jakkal ak boromam ci hadara bobu donc benen hadara bi nga xamantene kon yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon hadaratu zati mom dafa nek manam au fond, au très fond même, hein, de l'occulte, de l'occulte. Manam fi gëna laqatu ci fi gëna laqatu neubatu fa gëna neubatu day neubatu ba nga xamne kenn mu ngi ci am ben aperçu manam motax essence divine yalla kenn mënul xam manam essence kenn mënul ci am aperçu loolul neew essence bi am ci seul mom la moy mom yalla am na cependant benen hadara bi ci teggu nga xamantene fofu dafa am ben rapprochement am par rapport ak minde fi fofu ñun suñu xel rek mo meuna japp ne ci hadara bobu existence bi yalla e que mom kenn la donc te fofu la meuna yam mais pas amul attribut amul attribution amul ay tour non amul tour amul lenn luñ ko meuna askanal amul jeexital amul dara amul trace amul effet après benen hadara mi nga xamne mom manam kon fofu ñetti martaba la moy hadaratu ahadiyya had après martaba bi nga xamantene mom moy hadara bu ci bir martaba après yenen martaba moy hadaratul wala martaba bi nga xamantene mom lañu al wahdatul mutlaqa fofu nga xamantene wirtaaya mo fa nek et que kenn rek lañu benn aperçu rek lañu am ci yalla mais fofu ni muy feño moy comme de manière absolue la feño lolu mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam rek mom moko meuna témoigner fofu ak kenn moy ñi nga xamantene yalla daf leena jox ak jagne gu reey gi te mom moy khilafatul uzma manam moy khilafa gu maggi moy ñi nga xamantene ñoom dañoo jeex ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam totalement manam donc à travers yenenbi sallalahu alayhi wasallam lañu gisee lañuy amé manifestation yo yalla di manifesté wu ci hadara bob ci martaba bob ci niveau bob wala hadara en fait mënef nako tuddé ben martaba la ci hadara bi nga xamantene mom moy hadara bob moy deuxième voilà moy ahadiyya voilà ci ahadiyya voilà manam hadratul ahadiyya bu la neex tam nga wax martabatul ahadiyya manam hadra mi hadra bi deug deug aral ci hadra bu mak la bok moy hadratul nisab manam moy fi nga xamantene ay attribution da fa meuna exister voilà mais ñom ay martaba lañ yo xamantene benn bu ci nek hadra la d'accord voilà kon deuxième bi ci bobu mom moy wahdatul mutlaqa bi ci dess moy wahidiyya bi moy le fait que fofu mom yalla dafa nek kenn bi feñal unicité mais ci moy mais nit ñi dañuy mëna am manam di xamné amna ay tour amna ay melo mais tourum yi ak melom yi ak jeexitalam yi ak jëfum yi yépp manam dañuy nek lo xam tane dafa infini amul fu mu yom amul nombre amul fu mu yom amul tamit manam illimité la ci walu moy tax ci côté yalla dafa illimité mais bu ñëwé ci côté ñun ak jeexital yimi am ci minde fi lolou day limité fofu la limitation bi da amé comme yeurumandem nga xamantene ñi mu yeurum manam wala bok jéggelam ñi mu jéggel rek ñom ñokay def wërsegal de nga par exemple ku nek ku muy wërsegal bu la wërsegal d'une manière infinie mais dafa am lu la wërsegal lo xamantene bo gisé sa morom di nga gis ni wërsegal nako lo xamantene yow bokut ak yow lim la jox voilà yéré bi ma sol ni man lako yalla wërsegal bokut ak yow yéré bi nga sol yo lako yalla wërsegal donc ñun ñi donc ci côté wërseuk bobu rek amna limite mais ci côté yalla le fait que mom ni mu nekk ani wërseuk la côté bobu mom melo bobu amul limite ci mom manam mais effet yi mi am ci ñun comme ñun dañ ñoo teunk donc effet tourum yi ak melom yi day teunku ci ñun donc ci côté bobu lañuy waxé ni tourum yi ak melom yi dañoo am ay dañoo teunku dañoo nekk ci taqit mais nekk ñu ci itlaq dañoo nekk ci restriction mais nekk ñu dañoo nekk ci restriction limitation détermination et que ak domaine de définition et que nekuñu ci absoluité indéfinité et cetera comprendre voilà donc ci mais boudé ci côté yalla mom dañu indéfini indéterminé absolu voilà et d'ailleurs même dañu génn sax ci côté bobu manam yalla ni mu nekké ko xamné dafa muccu dafa soré lepp lo xamantene restriction la nonu la soré lepp lo xamantene absoluté effectivement voilà côté bobu voilà mais buñuy wax né yalla dafa absolu wala et cetera yoy lolu moy pour ñun suñu xel mën ko atteindre pour suñu xel mën ci pour suñu xel mën ci voilà mën ci am accès voilà dénga lolu kon mom lolu mom moy li aju ci ci walu gogo légui nak borom subhanahu wa ta'ala dafa am luñu manam hadara tamit xam nga waxon nañ ni bu jukki bi mom moy al hadratu tams al ula hadratu tams wal ama moy lañu wax hadratu al ama al ula moy hadra bobu nga xamantene fofu mom lañu tudde moy tam hadratu zat voilà legui benen hadra bi nga xamantene mom moy hadratu al ama al thani moy fi nga xamantene tamit dafa laqatu c'est à dire dans l'occultation dans l'inaccessibilité dans l'intangibilité l'imperceptibilité kenn mënul am accès ci mom kenn mënul ko jot totalement hadra bobu fofu mom lañu wax tamit hadra shuun mom lañu wax hadra shuun manam fofu mbir yi dañ fa nek mais nek ay truc gisoon nañ ne manam ñoñu ñoo ñew wax turu yalla yi ne len ñun amuñu effet hein voilà amuñu ñun kenn xamuñu genn ñu yeen tamit kenn du len xam amo len effet parce que kenn existé wul legi xana do len créer luy tax ñu mëna exister voilà ñun ñu exister ce qui fait que ni kon ñun ñi ngi exister won ci xam xamu yalla mais ci hadara bobu amuñu won benn melo bu précis mais bi yalla bëggé ñu am melo bu précis mu am ñun ñu manam ñun ñu mëna genn duggé ci inexistence ñew ci existence et que ñu juggé ci xam xamam mais ñew nak maintenant dans la réalité dans la conception même hein dafa am lu mu dogal moy dafa ci léram bi ñu tuddé mom légui nak gennu gi ñu genn juggé ci hadathu shuun go nga xamantene ay truc rek lañ ay notion ay affaire ay choses donc amuñu benn distinction fofu distinction amul entre ki nit la ki animal la ki garap la hein ki malaka la ki jinné la lool amul woon ki télé la ki yoy amul li am rek moy ay moy notion truc amuñu ben différenciation mais biñu borom bi namé amal nak légui mais mom xamone na kenn ku ci nek lén lu nek yépp ay truc lén mais lén lu ci nek bu lay génné dila jëlé ci hadratu shuun bobu dila indi ci benen hadara bi manam moy hadratu sura moy al wujud moy hadratu moy la sphère de l'existence des formes hadratu wujud moy la sphère de l'existence hadratu sura moy la sphère des formes c'est à dire que des voilà maintenant dañuy exister sous des formes formes yoy nak day laj ñu natalé acca durée ak temps période bi nga wara exister ak ban moment la lay commencer ban moment lay jéxé da fay laj tamit manam nga am ay dimension yo xamanteni mom ngay amé day laj ñu xam wu yeen wërseuk dañuy lañ lay attribuer ak yiñ la wara attribution day laj ay effet yi nga xamne ñoo wara am nek ci yow day laj tamit ban lieu manam les circonstances de lieu yi nga xamanteni ci nga wara exister ak circonstances de manière le comment ak yeen acte ñoo wara teggu sa taw donc yoy yep muy laj han borom subhanahu wa ta'ala da koy dal définir maintenant existence yi bimu len di amal nak min ko amale lol la manam ci liñu wax nurul kamil lol moy nurul kamil mom moy leru borom bi mom manam moy nurul allah moy leru yalla moy nurul zat la lumière de l'essence divine lolou lolou nak mom lañuy wax hein dañ koy moy leer gogo non mom moy leer yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom lañ wax leer yenente sallallahu alayhi wasallam kon ce qui veut dire que yalla bi mum namé bimu né ah waaw comme que tour yi né nañ ñew nañ wax laaj nañ seen kilifa biñu tuddé rabbu ar-rabbu moy borom mbiri laaj nañ ko né ko nañ ah mbiri dé né nañ truc né nañ dañu bëggoon ñu amal leen ñu ñew laaj waaw né ah fokk ñu waxtaan ci suñu kilifa buñu wax rabbu moy yalla bi nga xamne moy borom mbiri moy ki yewenal mbiri moy ki jele mbiri ci njaal ben yobulen ba ci jeexital bi mom moy ki yar mbiri et cetera ki assurer existence mbiri ki yewenal mbiri kokku lolou yep mom moy rabbu mom mbiri moy rabbu legi mom dafa ne ah man nak dama am nak kilifa tamit mom moy tour bu mat bi bu zahir te mom moy allah moy sama kilifa allah ne man nak dama am kilifa parce que mom moy azat moy man moy l'essence même l'essence voilà c'est comme walillahi al-masalul a'la c'est-à-dire que yalla mom mo am le parabole wala exemple bi gëna kawé mais pour approcher le birmi dañuy tabu ben exemple fini mi ngi melni tay ministre yépp ñëwone mais voilà population bi wala dëkk bi mi ngi laaj ay doléances né nañ nañ tabax te li fé nañ ñu relancer économie bi fini ñi né walu social dañ ko gérer fé ci né manam mu nekk ay bir yu bari bari yo xam dañ ñu laaj doléances ministre né bon ñun am nañ conseil de ministre jour sangam dañay dem wax ak ki nga xamne moy suñu kilifa moy premier ministre man ministre yépp kenn ku ci nek dafa dem laaj légui ñu lam laaj di premier ministre ne len wa d'accord bon man dama am kilifa moy président de la république biñ démé laaj président de la république mom manam ci bupp en tant que président de la république dafa nek kenn mom moy yor attribut mom lañ wax président de la république mom lañ wax gardien de la constitution mom lañ wax chef suprême des forces armées ñangi dég même bi la mom la mais danan gouvernement rek dool xam nga président dañ nan le gouvernement buñ ko waxe premier ministre ak gaay bi mo taw mais président tamit dañ koy dougalale ci bir hein voilà mais comme gouvernement bi lañ waxal gouvernement bi né bon on va discuter ñu dem waxtaan ak premier ministre né on va discuter malgré que ci gouvernement la ñu waxtaan ak président mom ci bopam mu tétat ak président bimu tétat ak président né voilà d'accord dégg na sa wax mais président bimu né dégg na sa wax mom day réfléchir c'est-à-dire ci question bi en tant que François Hollande c'est-à-dire que déjà mom moy président certes mais il faut que mu questionné la personne même de François Hollande c'est-à-dire que c'est pas manam buñ ma lajé ben question en tant que man may président sama bubu président certes moma permettre moy jël décision yi mais ce n'est pas le statut du président qui réfléchit mais c'est la personne c'est-à-dire que dama am précédent dama am fuma jaar dafa am numay xalaté sama xel numuy doxé dafa am ay conviction yu ma am donc pour me jël sama décision c'est moi qui prend hein mais comprends moi le moi c'est l'essence hein voilà moy jël décision yi bon li dañ ko wax pour jéggé ñal xel yi mais yalla ëppenté na xéxu ki bob mais c'est juste pour approche voilà pour approche ci affaire bi légui ñu jël décision bi né day génn gaay ci liñu tuddé nuru kamel moy lèr moy la lumière donc de l'essence même c'est-à-dire que mom ci jëmmi bopam en son essence ci la créer mbir yi da nga dégg hein mu créer légui nak en son essence lèr gogou nonu motax kenn mënu am imagination ci moy lan kenn mënu ko xalat kenn mënu et cetera kenn mënu ci am ben accès hein donc sa réalité ak forme lolu mom nit mënu ci am imagination waru ko xalat manam waxuma la diko gis ba am lu ci xam maintenant ci la amalé légui nak lolu par contre moy la réalité même du prophète sallalahu alayhi wasallam mu tuddé ko nashatul haqq manam nashatul haqq moy sosu deug gi te moy haqqatul muhammadiyya ala hamdulillah afdalus salatu wassalam mom la créé à partir de donc waxon nañ ko comme niñ ko waxé ci jara bes buñ né yalla dafa créer à partir de l'éram l'ère yent bi sala sala lool lay tek manam moy dafa jël décision créer c'est-à-dire que manifester faire manam ressortir par sa manifestation l'existence à travers ben manam l'ère yent bi sala sala c'est-à-dire que l'ère yent bi sala sala le existel à travers mon son essence même bim ko indé génné ko kon fofu non haqqatu manam dafa nekkon ahmadiyya manam muy sante yalla di gënum borom subhanahu wa ta'ala et cetera nekkon durratul bayda c'est-à-dire moy origine moy centre noyau haqqatu ahmadiyya loolu la jëk amal xam nga même bu waxo ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayyin dañu créer dañu def à partir de ndox lepp luy dund ndox mom moy ciosan bi mais du ndox la yalla jëk bind lèr gogo la jëk génné mom la jëk amal l'air gogou mu amal nak mom bi mi manifesté wu ci mom ci fondre bi mu doon fondre ci la ndox bi créé wo aussi ndox mom ci la créé wo mu nek origine l'origine de la vie moy ndox mais bimu ko créé ni melni légui mom dafa nekkon ci hadara bo xamné yalla rek la xamni en tant que essence motax à part de fofu yalla bindu ci dara parce que à part de essence manam nimu mel c'est tellement ineffable c'est tellement inaccessible c'est tellement imperceptible que ni yalla manam bindu ci dara bu yenenbi sallalahu alayhi wasallam bu don ci lolou rek la yam le fait que yalla guéné ko mu nek au départ ben hadara manam ben lo xamantene manam ben bloc la bo xamantene mënu ñu ci défaré dara rien dara mënu ci guéné parce que bloc bobu yalla rek la xam relation mom ak yalla en tant que Allah manam ci tour ci hadara bobu manam ci étape bobu ci la nekké mom ci bopam nek jaamu yalla kessé Abdullah jaamu yalla kessé Abdu Zati nek jaam le serviteur de l'essence divine d'Allah subhanahu wa ta'ala kessé légui nak yalla ne dama koy rang donc kon dama manifesté wu à travers mom gis nga et en lui à travers lui et en lui dama manifesté wu ci sama essence ce qui fait que mom ak yalla rek ñoo mëna ki moy hadaratul waqtu mutlaqa bobu biñ doon wax sank ce qui fait que mom yalla rek lay témoigner fofu wala mom rek moy mën témoigner yalla à travers mom ak ki nga xamantene dafa jeex ci mom dafa atteindre ex ko totalement annihilation totalement ci mom moy mën lool yaa ngi bi mu xamé loolu yalla né bon légui mu jël yalla jël benen décision moy légi day manifesté wu ci mom à travers tourmi c'est-à-dire que yalla dafa jël bopom def ko sétu def ko miroir manifesté wu ci bopom à travers bopom tous les noms et attributs divins yep mu rank mu manifesté wu ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam d'abord manifestation par l'essence et après manifestation par les noms et attributs deng al asma wa sifat tour yi ak melo yi bi mu défé lolu Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bir lolou nak dafa am ben déformation bu mu def dafa dilaté wu manam nekatul bloc bobu nga xamantene day sante yalla kessé yalla diko sante diko gëreum kessé nekul lolou nak légui han légui nak dafa mujjé nek ko xamantene dafa après dafa dilaté wu c'est-à-dire que rango pour sol yéré yépp yéré touru yalla yi ak melo yi yalla solol ko ko yépp ce qui fait que légui mom comme genre sétu la ci borom motax ñuy wax ne moy sirruzat le secret de l'essence divine lolo tax ñukoy tuddé sirruzat c'est-à-dire que touru yalla yi mom la yalla reflété manifester ko woko ci mom ce qui veut dire que lool kon du manam voilà lolo tax ñuy wax ne mom moy secret yalla et que moy leeru yalla tamit motax ñu nan moy leeru yalla lolo tax leeru yalla sax moy nuru kamil bobu moy nuru zat moy nurullah moy haqiqatul muhammadiyya mom moy nashatul haqq donc aussi la conception de du vrai la conception du vrai yalla ci bopom dafa concevoir man c'est comme si dafa concevoir bopom à travers manam mu nek yent bi sallalahu alayhi wasallam lolou mom lañ wax tamit la réalité muhammadian haqqatul muhammadiyya mom lañ wax ruh yent bi sallalahu alayhi wasallam c'est-à-dire que c'est son esprit yent bi sallalahu alayhi wasallam manam comme nit ku nek ni mu amé djëm mu am ruh son essence moy ruham moy azat muhammadi moy ruhu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ruhu nabiyyi ruhu muhammadi mom moy al haqiqatul muhammadiyya moy la realite muhammadienne c'est la lumière muhammadienne également moy leru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moy manam yoyep ay synonyme lañ yoyep ay synonyme lañ ce qui veut dire que buñ né la leru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam liñ ci nam moy ruhu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam liñ ci nam moy haqiqatul muhammadiyya liñ ci nam mom moy leer yalla liñ ci nam mom moy secret yalla liñ ci nam mom moy ruhu mindi fi liñ ci nam mom moy la réalité aussi de l'existence la réalité du cosmos ben la légui kon mais forme bi mu yor nonu bi mu dilaté wo moy forme bi mu yor ni moy donc moy jëm ji takandéru na takandéru ruham la jëm ji ce qui fait que jëm moy takaleru ruh bi di takaleru yalla c'est-à-dire l'ombre divin et l'ombre donc son miroir voilà le reflet divin donc kok moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam voilà donc ci sens bobu lañuy gisé ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa am quelque chose de divin mom lañuy wax na manam kon ko djok borom bi la mais so xolé benen volet bi moy da ngay gis ni créature la lu yalla amal la mais secret maintenant le fait que yalla manifesté wu ci mom mbolam tourum yi mbolam melom yi lolu mom ak mu def dilatation bob ba taxaw manam yor djëm bi mu yor forme sayyidna muhammad ni mu yor ni sallalahu alayhi wasallam ak atuk ak yiri ak yiri ak yiri ak manto ni sol sallalahu alayhi ak kibbi d'ailleurs manto bobu moy tour bobu voilà ci manto bi voilà mom moko ki voilà deug kon lolu mu yor non forme bobu mom yenente bi sallalahu alayhi wasallam ci la meuna nek jiw wala départ créature création bi minde fi donc bu melul won non nekkon bloc bu jëk ba du meuna nek cré du mu meuna nek origine création bi mais le fait que maintenant comme que yalla légui manifester na à lui tous les noms tour yep al asma ak sifat yep melo yep yimu bin y compris yi nga xamanteni bindu ci dara yep donc mom dañuy gis ne mom moy image yalla motax han moy comme niñ ko gisseul ci hadith bobu yentou sallallahu alayhi wasallam yalla khalaqallahu adama ala surati yalla dafa bindu mom adama ci image am manam parce que image am moy dal tourum yi melo yi mu bolé yep manifester wako ci mom et que nit ruhu nit kon mom mo am lolu c'est à dire que donc ruhu nit c'est le souffle divin voilà manam lolu la fofu la jogué motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy ruhul arwah moy l'esprit des esprits ruh yep ci ruham bobu la génné sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ruh yep ci ruham lañu génné ruhul arwah voilà mom tamit motax ñukoy wax ak abul awwal le père original wala le père primordial moy bayu minde fiep sallalahu alayhi wasallam ma am ndax fofu lañu jogi hein donc esprit bobu ruh bobu mom mo manam ci lañ bindé ruhu mom adama donc jëmum parce que ruh ak jëm dañuy nuro motax ngay gis bu manam animaux yi niñu mel non la seen ruh mel nit ni mu mel ni non la ruham mel lenn lu ci nek ruh ni mu mel manam ni nga mel non la sa ruh mel en réalité sa ruh sa yaram ombre la ci sa ruh ki takandeer la ci sa ruh motax sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam ni mu mel ni doon dund ci kaw suuf non la ruham mel motax mo daq ci minde fi sallalahu alayhi wasallam ci zahir ak ci batin c'est-à-dire khalqan wa khuluqan wa akmalul wara khalqan wa khuluqan zahara wal muqtatu lam yura wa lam yura fi shiyam dulay sallalahu alayhi wasallam mom non la mel moy ki geuna mat ci minde fi ci jikko ak ci jëm te lol dafa feñ ku melni mom mosefu ko gis te defu ko gisati abadan ni ci jëm ni ci jikko sallalahu alayhi wasallam mam adama nak alayhi salatu wassalam yalla dako terale terangi gu reey gi ko jox man xama borom dan wala kat katam na bani adama deug deug terale doomu adama manam doomu adama terangi gi ko amé kon mi ko amé ci le fait que mu nek par le fait que mu nek nit mais par le fait que mu nek doomu adama lolo tax mu wax né waxul né teral na ñu nit dañu terale doomu adama gis nga bani adama mais mam adama teranga gi mu am mi ko amé ci le fait que mu djel yalla mu nek copie manam mu nek ki juddo ci ruh yenente bi ruham juddo ci ruh yenente bi sala sala directement sans intermédiaire sino ñi ci dess ñep dañu juddo ciaret ci ruh yenente bi sax mais avec des intermédiaires lo tax doom adam mom moy aduna bu mag bi nga xamanteni ñep ngi ci bir en réalité univers bi gis nga bu la yalla maye nga gis ko nga xam univers bi ñu mel manam deug deug réalité day gis ne doomu adama la manam nit la forme nit la yow nit do dara ben miniature nga univers manam comme si kuy reproduire univers bi ni mo mel deug deug dans sa réalité en réalité yentou bi sallallahu alayhi wasallam moy univers yentou bi sallallahu alayhi wasallam donc c'est sa réalité et que donc légui kon yentou bi sallallahu alayhi wasallam donc mom moy logiciel bi nga xamné ci la yalla programmer lepp luy existence moy ruham et que ci mom la génné légui nak le fait que lén lu ci nek génné ci lénen lolou différence manifestation tour yi mom mo waral le fait que lén lu ci nek am lén lu mu génné yalla nak bindul ben mbir ñaari mbir yu wuté bindul len ci ben tour niki nonu ben tour bindu ci ñaari mbir yu wuté manam ben mbir ñaari mbir yu wuté ñaari atome rek atome particule ci univers bi yalla boole wu len bindando len a travers ben tour kessé dedet ñaari particule atome ci univers bi yalla boole wu len bindalen ci ben tour kessé niki nonu amul ñaari tour yo xamantene dañoo bokk bind ñu bind leen ci ben mbir tamit particule bu ne atome bu nek ak touru yalla biko yalla jaglel pour bind ko et vice versa mais ñom ñep bo leen bolé touru yalla yoy yep liñu infini yep mënef na leena teunk sen mana c'est-à-dire sens yi ñu lambo ci al asmaul husna moy 99 tours du 99 tours motax mo len dajale ñom ñep mu am 5e bi nga xam tane mo len dajale ñom tamit donc légui donc à travers yoy ci la yalla bindé lepp ci la yalla bindé lepp à travers lolu kon mom moy voilà et que kon mom moy li nga xamantene mom moy ni daw ci bir minde fi legui nak yentou bi sallalahu alayhi wasallam moy ruhul wujudi ci deux sens dafa am ci sens bo xamantene amala mo donc c'est-à-dire c'est l'esprit de l'existence yentou sa xam l'esprit de l'existence mo ko nek def ci ñaar sens bu ñeek bi bon déjà li ngay comprendre donc à travers lool moy ne kon minde fi ñoo li tax ñu koy wax kon al hijab al azam yentou sa xam moy barrière bi gëna mak moy kiray bi gëna mak voile le voile bi gëna mak moy le fait que comme niñ ko waxa taw ci detaay bi yassu moy le fait que yaronte bi sallalahu alayhi wa sallam a partir de touru yalla ak melo yi nga xamné mom la yalla manifester wu ci mom en lui et à travers lui donc mom mo am rapport ak yeneen minde fi et pas yalla directement ce qui fait que kep ku xam touru yalla en fait xamul touru yalla en tant que yalla mais daf ko xam en tant que nimu manifesté wo ci haqqatul muhammadiyya c'est-à-dire c'est comme walillahi masallala c'est comme si buñ tégon fi bénn sétu wala télévision bi ni nit ku musul gis kenn ci président yi wala star yi wala serigne yi wala yoy ñukoy wone ci télé mom limuy mëna wax moy da nan man gis na serigne diw ci télé bi mom lool lay wax mais en réalité musul gis serigne diw dafa gis reflet donk mom télé bi rek mom la xam mom serigne diw lu mu dig batam lu mu xamuko télé bi la xam han xamuko parce que gisuko en chair et en os donc amul contact direct ak mom en chair et en os mais à travers télé bi la jani serigne bi bu ko jangalon mbolim téré à travers télé bi wala à travers audio yi ni batay mom en réalité audio yi la xam xamul serigne bi télé bi la xam xamul serigne bi voilà ñu nak yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak borom bi non la mel walillahi masallu ala c'est à dire que ñun amuñu ben rapport ak keneen wala neneen kurul yenenbi sallalahu alayhi wasallam lolu moy ñi gëna am fa gëna sori sinon parce que yenn mbir mu nek dafa am luko waral mbir mu nek dafa am fu mu joggé ci ben touru yalla mais bi mu manifesté wo ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci tour bobu ci la joggé lola waral leneen ci lo xam tane ba tay ci tour yoy la am et cetera lola principe de causalité bob moy daw daw ba finalité bi ñu jot tay ñun ba finalité bi ñu jot tay niki nonu ci maqama yi tamit non la déme manam kon lolu mom moy de manière générale ce qui fait que kon même yéfer yi même yeneet yépp ci tour yalla lañu jenné ñom ñepp ay effet wu tour yalla ak ay melom lañ ñom ñepp ay effet yéneenté bi lañ sa sa ñom ñepp yéne sa moy sen roh esprit manam roh bi le fait que nak mu nek manam comme manam ni ndox mi di dawé ci garab bi xam nga chef ndox mi moy daw ci garab bi mutax mu meuna nek ni mu nek sino ndox mi ci garab yépp buñ ko dino nay garab bi day wow dé voilà donc yéneenté bi sallallahu alayhi wasallam mom moy esprit bi daw ci mbolam bindé fi univers bi yépp mais façon bi mu ci dawé nak dafa nek lo xamné daf ñoo ump lool mo mo ñu ump façon bi mais nek gi mom amna ah nek gi mom amna deug légui mu dess benen bi nga xamné moy moy le fait que mu nek roh bi de manière générale deug de manière générale manam moy lol de telle sorte que kon ruh yaronte bi sallalahu alayhi wasallam su fi nekul won dara du exister voilà lepp lu yalla namul mu exister hein c'est à dire que même bu fekente ne tour ya ko warona meuna exister manifester nako ci yaronte bi sallalahu alayhi wasallam nam mo aju ci ne yoya duñu jur dara tour yoy lol mom motax nak nit mat lolu tax nit mat ci minde fi gëna mat ci minde fi par rapport ak yeneen yi dess parce que même malaka yi ben tour rek lañ leen di bindi hein ñu malaka yi hein ñu sayyidna israfil alayhi assalam par exemple tour bobu lañ ko bindé sayyidna jibril alayhi assalam benen et cetera kenen ko ci nek ben tour buñ la bindé nit nak mbolam tour yoy ñoo dajalo ci ñoo ak yeneen yépp tour yalla yépp ñoo dajalo ci mom motax nit moy mëna nek khutbu zaman par exemple nek ki nga xamné moy ruhu minde fi parce que khutbu zaman lool la moy ki nga xamné moy ruhu univers bi de telle sorte que su existé wul comme ni ruh mel ci yaram nga xamné bu fi bu ruh nekul ci yaram gis ngeen ko day dotul amati mouvement karawom dotul saxati beutam dotul gisati laminam dotul manaw yëngatoti waxati nopp bi dudé gëti et cetera manam limi mëna def yépp mi ngi koy man parce que ruha ngi ci mom nonu la qurbu zaman mel ci univers de telle sorte que su fi nekul univers bi day séy exact day séy complètement inexistant motax non la voilà mais mo lool mi ngi koy def par son esprit aussi par ruha pas par yaramam ni parce que yaram bi ni ni ni comme yaram yene nit ki la mais par ruha yalla doxal ci mom legui nak fathul akbar mi ngi consister à ce que voile yi nga xamné ño dox sa digënté ak nga gis réalité bobu voile bobu tombé lool mo fathul akbar nga gis réalité wu né mbir yépp ndekete aduna bi yépp mi ngi taxawé ci ay touru yalla ak melo wala bokk aduna bi yépp su la nexé nga wax lool aduna bi yépp mi ngi taxawé ah ci ay touru yalla ak melo wala nga ne aduna bi yépp mi ngi taxawé ci haqqatu muhammadiyya ben la c'est la même chose samba moy bacc deng kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon dañ koy tuddé kon tour yoy nga xamantene mom lañ fi jotta wax et que burul won mom kon univers bi yepp du am lool mom moy ben le fait que mu nek ruh mom ci bopam mu rek nek ruh minde fi mais amna benen côté le fait que mu nek ruhu minde fi mais lool moy de manière particulière moy d'une façon particulière d'une façon exclusive ou réservée moy khas moy ñooñu nak moy ponkal ponkal nitu yalla yu makki akabir yu afrad yek ak aqtab qutbiyek parce que ñoñu en fait l'air yi ñi jakarlo may ngeenel yi secret yi ak zawkh yi manam les goûts et sensations spirituelles yi ñi amé li ñi mos ci yalla ak yoy non dafa kawé kawé way bo xamantene dañu nek ci hadrat yalla bi en présence permanente même ak yenente yi ak malaaka yu jégué yalla yi ak ñoñu ñom donc ñoñu mais lolu nonu du mëna nek c'est-à-dire que le fait que ñuy mënd di jakarlo mbir yoy lolu do ñu won jappandi su fekkonté né yenente bi sallalahu alayhi wasallam nekul ki nga xamanté né mom moy seen esprit bi ñuy doxé le fait que yenente bi sallalahu alayhi wasallam nek seen ruh lolu ci lañu ci lañu amé ki bobu dëng voilà légui dénal bi ci dess biñu wara gis suma djumul té peut-être que bob mo ci dess hein parce que yi ci dess yépp teunk nañ len mom moy lisanul wala turjumanul lisanu qidam wala lant noir mais yaronte bi sallalahu alayhi wasallam mom moy lantinoru kaddu hein kaddu gu jitu gi moy alquran manam alquran melo manam melo la ci borom subhanahu wa ta'ala nek ay touram manam nek ay kaddom nek kaddom borom subhanahu wa ta'ala mais yaronte bi sallalahu alayhi wasallam moy ki interpréter kaddu gu yalla bi nga xamantene dafa jitu moy torjumanu risalu khadam lolu nak bo gisse mu am yalla tan yenenbi sallalahu alayhi wasallam bo xolé yenenbi yep kep ku ci ñew en fait sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam rek mom moy rasulullah sallalahu alayhi wasallam moy yenenbi yalla la fa ñi ci dess ñep ay ki lañu ay intérimaire lañ ay intérimaire lañ voilà ils sont là par intérim mom rek mom cede voilà et que en fait mom moy secret bi don daw ci yenente yoy yalla salatu salam lolo tax melam yenente yalla salatu salam ni am ci jikko yu rafet ak ci melo ak ay particularité dafa dajalo ci mom sirina muhammad salalahu alayhi wasallam en réalité ñom comme niko imam bu say wax rabbi lan ma inna ma masalu sifatuka lin nas kama masala nujuma ma voilà comme la ka annahu shamsu fadlan hum kawakibuha yuzhirna anwaruha lin nas fi dhulam manam ñaar beetam yoy bo xolé dal ko mo résumer wax ñu voilà moy bu dekk bi day wax ne ñom bo setlo ni ndox bo toge ndox ni bu dalé bidi wi nek ci asaman ci tapé ci yow ngay xor ndox mi di nga gis bidi wi ci suuf mais boku te jëm jël jëm bidi wi ci kaw yenenbi sallalahu alayhi wasallam non la ko yenenbi def par rapport mu sallalahu alayhi wasallam mais le fait que mu nek ndox xam nga ndox jamais mu taxaw stable il faut mu am ay déformation yo xamantene ay ondulation yo xamantene ñoy tax bo image bi ngay gis dina am tout déformation lolo tax manam mom jëm ni mu maté ci jikko bu nek biñu xamal yenente bu nek amna luñ la xamal lu particulier comme munu yenente yalla ayyuba geek kharitok mam ibrahima geek hein c'est ça ami sa salam kenn ku ci nek amna luñ la xamé yu xamné yu particulier car yenente yalla yusuf geek ami sa salam ak ay jikko tamit yu rafet yu ñu xam ci yow ak wétal yalla bu mat sëkk ak yoy mais yoy yépp duñu dara luddul tay bo leen xolé en réalité nekk ñu luddul di refléter réalité yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci walu gogou et que yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy ki dajé lepp moy ki mel nonu deug deug dans sa manam dans sa forme la plus parfaite donc ñoñu dañuy typifier yoy mel ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam lool kessé la niki nonu yonenti bi sallalahu alayhi wasallam mom moy ki nga xamne sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam donc quand on parle de yonenti sallalahu alayhi wasallam dañ ko wax ma jall mais sayyidna muhammad c'est à dire que la réalité muhammadiana sallalahu alayhi wasallam mom moy ki nga xamne mo dajale manam mom moy ki mom mo dajale kii boobu jikko yooyu noonu et que ñoo dañoo mel ni maanaam yeneen yenent yëpp alayhi salatu wassalaam dañoo mel ni jant maanaam dañoo mel ni biddiw biddiw mais biddiw maanaam étoile boo leen gisee c'est parce que guddi la mais bu bëccëg jotee bu jant bi génnee dootoo gisati biddiw yi yenent bi sallallahu alayhi wasallam kon ñoom moom bi mu fi nekkee en tant que jant yenent bi nag mooy jant bi mooy jant yenent yi alayhi salatu wassalaam ñi ci def ñëpp ñooy biddiw yi moom mooy jant ngëneel Shamsu Fadl hum kawaki waxa ñoom ñooy biddiw yi mais biddiw en tant que planète donc planète bi boo leen seetloo leer gi ñuy am maanaam lumière bi ñuy am planète yi moom mooy bi muy jëlee ci jant bi jant bi mooy alimenté maanaam planète bi ci leer loolu nag moom mooy tamit mbir mi yeneen ci yàlla bi salaatu wasalaam seen jikko yu rafet yooyu seen màggaay yépp du dara lul jant bi moom mooy maanaam mooy yeneen bi salaatu wasalaam moo reflété wu ci ñoom seen lumière ñoom tamit ñuy leewaat ñuy leeral nit ñi buñ nekkee ci lëndëm mais yeneen bi salaatu wasalaam bi mu xasee ba ñëw rek leer rek a fi ne kon yeneen bi salaatu wasalaam moo tax ñoom ñëpp ku ci ñëw danaan leen am na benn yeneen bu war a ñëw nag kooku man man damay dem am na yeneen bu war a ñëw. Sama ginnaaw yeneen yëpp ñoo ko def maam maa ma daf fatratun min a rusuli illa bachar qawmu haabikal ambiyaau amul benn part maanaam yenent bu ñu fu ñu ñëwee rek dañuy ñëw ne bu ñu paree rek dañ naan yenent ñun kat am na yenent bu war a ñëw kooku mooy yenent bi salaa salaam sayidina mohammad salaa salaam ku ñëw rek wax ko donc ñoom ñu ñëwee dañuy annoncé sax beneen yonente buy reprendre sa déedéedéedéet yonent yàlla mohammad la ñuy annoncé salaa salaam parce que moom mooy yenent bi ñoom dañ fi nekkoon que par intérim pour ñoom pour moom dégg nga léegi nag loolu li tax secret bi moom mooy moom moo maanaam boo gisee ñu comme ñu wax loolu maanaam c' est pour venir sur le fait que moom mooy l' interprète même de la langue wala de l' expression pré éternel maanaam mooy bu yàlla yàlla borom subhanahu wa taala expression waxam la maanaam làmminam maanaam moom mooy ki nga xamante ne maanaam voilà moom mooy yeneen bi salaatu wasalaam mooy interprète bi ce qui fait que alquran bi nga xamante ne kàddu bu yàlla la mooy kàddu yàlla bu mat bi alquran boobu moom yeneen bi salaatu wasalaam moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ci moom rek la mënoon a wàcc mënul wàcc ci keneen voilà mënul woon wàcc ci keneen ku dul ci moom sayidina mohammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moom moo tax moom rek moo ko attan moo tax alquran mënul wàcc ci keneen keneen ku mu wàccoon ci moom du ko attan gisoo alquran ne bu wàccoon loo anzalna hadha alquran ala jabalin loolu day toxaatal mu tafa dal min xashatillah alquran ngi nii maanaam benn xaraf dong ci alquran suñ ko wàccee woon ci montagne da ngay gis montagne bi day tiit xar seey ngir ragal yàlla ngir tiit ngir voilà jaq ci wàll diggante mag borom yeneent bi salaa salaam ànd ak moo gën a ragal yàlla ñëpp gën a xam yàlla ñëpp alquran lépp day wàcc dafa wàcc ci moom mu ne tekk salaa salaam yeneen bi ko salaa salaam moom ci boppam donc moom moo mënul jàllale message boobu et de en plus ci loolu moom mu jàllale message aussi sunna sunna du dara sunna mooy interprète alquran sunna mooy expliquer alquran moo tax yenn saasaam bi ñu yenn bi ñu borom bi nee dee leen julli masala waxuñu ñaata yoon la ñu war a julli waxuñu yan heure la ñu julli et cetera mais yeneen bi salaa salaam moom moo ñu jàngal ñaata yoon la ñuy julli et que waxtu bu nekk heure julli bu ne ñaata raka la et cetera mbir yu bare bare bare noonu la azaka génne leen azaka rek lañ ñu wax mais yeneen bi salaatu wasalaam moo ñu jàngal ana naka lañ koy génneewee ak yan naka période bi nan lañ koy xamee et cetera ak yeneen yu bare bare yoo xamante ne maanaam daal que lépp yeneen bi salaatu wasalaam xamal nañu lépp amul dara lu jàll lu ñu yeneen bi salaatu wasalaam xamal nañu ko moom mooy interprète waxu borom maanaam borom bi ci boppam subhanahu wa taala sa parole pré éternel dans l' antériorité absolue lolu yeen bi sallalahu alayhi wasallam mo ñu ko jangal et que kenen man mënu won jouer rôle bobu ku dul sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam voilà hein sallalahu alayhi wasallam bon ci buntu bobu gisoon nañ ci ay xéetu wax yu xawa voilà affaireu kaddu yi alcorane le fait que ñu ngoy tuddé alcorane que su fekkante ne dañ koy jang ci suñu lamine mais sinon avant kalam lay tuddu moy kaddu c'est-à-dire la parole divine lay tuddu mais do ñu won tuddu alcorane alcorane ñu ngoy wax parce que voilà que jamono bi nga xamantene ñu koy manam mi ngi nek ñu lu ñuy jang ci lamine hein et que suñu alcorane bi ñuy jang day tektele kaddu borom subhanahu wa ta'ala day tektele li kaddu borom bi di tektele et que kaddu yalla manam nekul manam kaddu yalla en réalité ben rek la lenn rek la lenn kessel lolu tamit detail bobu gisoon nañ ko et puis yaatalon nañ ko manam le fait que mu nek kaddu yalla ben rek la amul mais bu ñewé ci ñun ci lay amé ay différence ñu nan par exemple ñu gis ni aya bi bokk ak aya b kaddu bi tawrat bokk ak injil injil bokk ak zabur et cetera mais le fait que mu nek kaddu yalla lolu mom ben kessel la té amul lu jitu morom ni amul jitu et cetera lolu parce que melo la bo xamanté dafa sax ci mom maintenant effet wu kaddu gi benen affaire la le fait que effet bi moy le fait que ñu nan légui nak alcorane ngi ni zabur ngi ni lolu do ya la faculté et il y a aussi l'effet de la faculté comme tay bu moné man amna kaddu c'est à dire que la faculté de parler am ñu ngi ci man bokul nak ak limay wax c'est à dire que lima wax tay ak lima doon wax dem du ben yoy après yoy c'est l'effet de cette faculté voilà donc kaddu borom voilà kaddu borom subhanahu wa ta'ala maintenant wala nafal ala maintenant nak ligi affaire nak dafa gëna sori lolu budé ci yalla parce que lolu dafa genn xel budé ci borom bi nak subhanahu wa ta'ala mbir mi démé wut non kessé lolu mi ngi fi mais lolu moy le fait que mu mëna am effet ci ñun mais en tant que ci mom kaddu bi ben affaire kessé la. Ce qui veut dire que c'est une parole qui est pré-éternelle et éternelle à la fois. C'est du nopi. Parce que kaddu bi ba paré ben rek la et que kaddu gogou mo fi nek naka ñek. Voilà, ben melo rek la. Et puis tamit gissone nañ ci affaireu temps aussi ci jamono joju. Que ni gis ni en fait dafa am lu ñu wax jëm manam temps bi ci jëm bi bopam. Ak effet bi ak manam et que ni temps bi yeb liko dalé ci azal ba abat manam pré-éternité ba éternité en réalité ci borom subhanahu wa ta'ala daal dul ben instant kessé ben instant la mais que xew xew yi am borom subhanahu wa ta'ala manam ñun liñuy waxtaan ñun loolu rëdd la bu am ci temps yi manam ay effet la yu nekk ci kaw temps bi c'est comme si ben tableau bu nekké ni manam tableau bi yeb ben la mais tay le fait que man ma ci bind li tracer mom moy déterminer que ni li que tableau bi amna partie sangam ak partie sangam ak partie sangam partie sangam voilà hein partie biñu bind li partie biñu bind le et cetera temps bi yeb ben rek la et que hein ñun manam le fait que événement yi di ci dox ak yoy ak xew xew yi ak lieu yi ak ci di taxaw espace yoy non mom mo déterminer parti yi mais sinon mais boudé ci yalla mom ben instant kessé la kon lolu gissone nango benen bi ci dess moy lawhul mahfouz ni yent bi sallalahu alayhi wasallam mom moy allahul mahfouz donc kon lolu mom moy li nga xamantene da nak dafa melni mom mo ci dess won buñ ko waxé danaka jéxal wala non ci kaddu yi batay ci kaddu yi batay amna ben affaire mom moy ci deg kaddu yalla ki deg kaddu yalla dafa wouté selon mom moy kan wala yenen ci yalla sa sa ñom ni ñi déggé kaddu yalla bokk rek niko wallu yi déggé and ak né en fait du ben motax mukalama biñuy wax waxante ak yalla biñuy wax ñom bokul ak ni borom bi deggi manam ni yent yalla Musa sallallahu alayhi wasallam ni yalla wax ak mom muy na wakallama Allah Musa taklima ko ko taklim bu lolou du ben voilà et que ki degg kaddu yalla mom yar manam non seulement lepp mo koy degg ci mom mais aussi fep ci yaramam da fay yek ben manam ben magayu borom subhanahu wa taala ak majesté ak tartar tangor gu taratarata ak metit gu yegge gi doyo bo xamne du yegati dara mais su faré nak ci lay yegge sensation ci lay délousé manam ba paré di yegalé ben banex bu kawé kawé kawé en même temps ci le fait que mu dégg cadre borom bi de telle sorte que il faut mu dugg xalwa ben jamono su faré hein pour du dégg du am rapport ak nit ñi après voilà pour sinon su ko deful du meuna dund ak nit ñi dootu meuna dund ak nit ñi parce que manam bu leen gisee day waccio di ki yoyu ad ndax voilà ci limu joge xaal bi mu joge won et que tamit limu jotta deg ci borom subhanahu wa ta'ala leg mu meun ko xam leg mu ban ko xam bu fekkante ne xamugo il faut mu delu ci borom jamono ci moy qutbu zaman bi mu dokolat mu laj ko ko kokku dina ko meuna firil deug li nga xamantene mom la deg lan lay tek deng kon il faut mu dugg xalwa kon ñetti fan comme niñ ko gisse won legi yentou bi sallalahu alayhi wasallam mom moy lawhul mahfuz legi lawhul mahfuz dafa am d'abord luñu wax lawhul mahfuz moy bu mag bi alu bobu nek ci jurom ñaaral asaman biñu wax alu bobu nga xamne li yalla li dogal liko dalé ci njaldenu aduna ba kérok aduna bi di tukki lepp ci lako yalla bind dogal nako ci li ci nek nak ci lawhul mahfuz yeb 360 xam xam la 360 xam xam xam xam bu ci nek amna 360 xam xam manam yu mu départager wu deng bo xolé kon yoy yep mom moy 130,000 xam xam yo xamantene li ci wagne ko moy 400 mo ci dess 140,000 yu manke 400 moy kon 129,600 xam xam yoy nak moy xam xam yi adu ci existence yep manam cosmos yi univers moy xam xam yi ci adu yep moy lo 129,600 xam xam la legi alwa yi ñom seen bok bo len xolé lawful mahfuz du ben alwa kesse ay alwa yu bari la mais dañ leena garder moy lo wala mais alwa yoy yep 360 alwa lañ mais 360 yoy mom lañuy wax al wahu tabdil moy alwa yi nga xamantene ay changement man na ci opéré wu ci li ci bi yalla bind du lu bind ci lawhul mahfuz lu nek rek amutul kenn mën ko dindi dedet mais amna nak ben alwa bo xamantene mom du soppeku mukk kokku mom moy umul kitab mom lañ wax umul kitab moy ndey jere moy motax yalla ne yamhullahu ma yasha wa yuthbitu anhu umul kitab manam yalla day far day saxal lu ko neex effacer lu ko neex manam ci liñ bind ci lawhul mahfuz mais umul kitab nak fa mom la ne manam umul kitab mom luñ ci xess bo bind mom gis nga comme mémoire vivante ak mémoire morte ci voilà luñ ci xess bo bind umul kitab du soppé ko ci jeexna kenn do ko man mémoire morte comme mémoire morte kenn monatu ko soppi am mo mémoire vivante moy bi nga xamne mom moy yoy mom lañu mën di bind dara di ci di effacer ak yoy motax les décisions finales fofu la nek ci umul kitab mais wali nak buñu né dañuy gis lawhul mahfuz déjà du ñëpp ñu lu jafé la gis lawhul mahfuz et que lawhul mahfuz wali yi koy gis tamit ad wa tabbi lañu gis han moy yi nga xamné changement mëna ci opéré wu voilà lolu nak ponkal yu mag ya mag ñoom ñoy jakarlo umul kitab sinon mais ñooñu ci biir ñi gis lawhul mahfuz rek ci seen biir ñi tay gis umul kitab ñom infime lañ infime parti lañ ci ñom ñi gën ñaa ponkal yi ñom ñokay gis kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam tamit mom moy lawhul mahfuz en fait moy alluwu mag bi c'est-à-dire que ci mom la yenn mom moy en réalité lawhul mahfuz bi ak li ci nek du dara lu dul ben parti ci li li yalla gravé comme xam xam ci bir yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax mom moy lawhul mahfuz bu mag bi mais lolou ben parti bu ndaw la ci yenen ci salat lawhul mahfuz ci yëmi bopam ak li ci nek yëpp du dara lu dul ben parti ci li yalla bindé ci lèr yenen ci salat sa yenen ci salat salam moy tamit an-nuru salim mom du mom moy comme wax moy lèr nga xam nga dafa donc tasaru fepp ba pare talu et cetera lolu gisson nañ ko walillahi alhamdulillahi minna donc dafa melni li upp ci mom moy tamit gisson nañ ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy as-siratul mustaqim mom ci jëmm bopam moy yoon bu jubbi manam mom moy ki gindi wat ak yoon bu jubbi moy ki tektale yoon bu jubbi mais mom ci jëmm bopam moy sallallahu alayhi wasallam moy siratul mustaqim ku taqom mom tawakkala mom moy nasirul haqq bil haqq comme niñ ko gisse won tamit moy ki dembal deug ci deug voilà et bien dafa melni comme paré na alhamdoulillah li ci dessone mom moy wax ci walu njabotam ak yu mel non té lolu voilà ci salat ci jeexatal wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin jazakumullahu khairan